Alors voilà, je suis avec Avis Pur. Nous sommes le 14 avril et nous faisons le point avec ces messieurs. Alors j'ai votre prénom à vous, c'est quoi ? Didier. Didier, et puis vous c'est Laurent. Laurent, voilà. Voilà. Bien, alors on va faire un peu le point au niveau des pompes des eaux usées et je voudrais savoir où vous en êtes à cette heure-là. Ben, nous on est prêts. On a juste fait... qu'est-ce qu'on a fait ? On a modifié le branchement pour avoir... vous vouliez le gyrophare d'alarme niveau très haut. C'est-à-dire si ça déborde. Oui. Donc ça, j'ai fait. Oui. Et on donc, a... si j'ai bien compris, les deux gyrophares vont fonctionner lorsque la pompe va être embourbée et que le niveau va monter. Alors, il y aura un gyrophare qui va fonctionner pour le trop-plein. Oui. Et il y aura un gyrophare qui fonctionnera pour disjonction d'une pompe. D'une des pompes. D'accord. Voir les deux. Hein? D'accord. Donc d'accord. Vous avez deux gyrophares, mais un pour le trop-plein et un pour la disjonction. D'accord. Okay. Le trop-plein, il est dirigé par... un flotteur. Un flotteur. Voilà. C'est le flotteur numéro combien ? C'est le numéro 4. C'est le numéro 4, c'est celui que vous n'avez pas encore changé. C'est ça. D'accord. Les trois autres flotteurs... Le fonctionnement, ils ont été remplacés. Les trois autres flotteurs ont été remplacés, ils sont bleus, j'ai vu ça ce matin. C'est ça. Et alors ces flotteurs, ils servent à quoi ? Alors eux, ils servent à faire fonctionner la demande, c'est-à-dire le marché arrêt des pompes. Le marché arrêt des pompes, voilà. En fonction des niveaux. Voilà, c'est ça. Très bien, hein? D'accord. Je vois qu'il y a un flotteur, 6 flotteurs là. Alors, ça fait oui, mais on a gardé on vous a laissé les anciens parce que comme ils ont été câblés dans le fourreau, ils ont été sertis, on ne peut pas les retirer. Donc c'est pour ça qu'on les a laissés comme ça. Ça peut servir en dépannage, le cachet ? Oui, c'est ça, bon, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré les laisser. C'est l'intérêt. Donc, voilà. J'ai deux flotteurs jaunes qui dirigent les pompes. Donc voilà. Alors, c'est, et deux flotteurs bleus. Trois flotteurs bleus. Donc vous avez Oui, il y en a un qui est très bas. D'accord. Alors lui, c'est le niveau bas, c'est lui qui va préparer la pompe au fonctionnement. D'accord. Flotteur 2 qui, lui, va faire fonctionner une pompe. Et quand ça redescend, le flotteur bas arrêtera les pompes. D'accord. D'accord. Et si le niveau monte trop, que la pompe n'arrive pas à fournir, le troisième flotteur va servir à faire fonctionner les trois pompes. Ce sera le flotteur numéro 3. Ils sont marqués d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est plus facile. Alors, et c'est lui qui va, ce flotteur numéro 3, qui va faire fonctionner les trois pompes en cas de. Les deux pompes en même temps. En cas de souci de débit, c'est-à-dire que la pompe 1 n'arriverait pas à fournir. Quoi. Ou la 2. Quoi, peut arriver ça. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. D'accord. Ok. Bon, les flotteurs sont bien équilibrés, bien dans l'axe, tout est bien, on n'a pas à revenir là-dessus. Non, c'est bon. Bon, non. D'accord. Non, si je dis ça, c'est qu'on a déjà eu on a déjà eu ça dans le passé. Donc maintenant tout est en ordre. Je récapitule les deux gyrophares. On va vous faire un essai. Donc on va lever le flotteur alarme. Ça doit être l'autre, Didier, peut-être. L'autre. Vous les avez pas marqués. Ça serait bien si vous le marquez. Ça va pas tenir. Donc, vous voyez. Ça veut dire que votre niveau très haut, c'est-à-dire que les pompes auraient eu un souci de blocage ou... Ça, c'est le niveau très haut. Voilà. Ça veut dire que les pompes sont arrêtées et que... Le niveau est monté. Le niveau de les fosses usées monte. Voilà, d'accord. Là, quand vous voyez ça, vous nous appelez. D'accord, ok. Ouais, mais... Et est-ce que... parce qu'il me semble qu'on avait un... Dans le bâtiment A1, on avait une alarme sonore. Est-ce qu'elle va sonner ? On va aller voir. Ah ben, on va aller voir parce que je ne sais pas. Mais oui, parce que de toute façon, j'ai pas modifié le tableau. Et c'est pour ça qu'on a conservé le quatrième flotteur jaune. Voilà. D'accord. Qui, lui, est l'alarme du coffret, de l'automate. D'accord. Mais lui, il fera pas. Lui, il fait peut-être sonner l'alarme que vous dites dans le d'accord. Là-bas. D'accord. Mais il ne fait pas actionner le gyrophare. Le gyrophare, ce sera celui qu'on voit là à droite. D'accord. Donc, ok. Mais c'est l'option que vous aviez demandé qu'on a rajouté. Quoi. Hein? Oui, c'est ce qu'on a demandé initialement. Non. C'est ce que vous avez rajouté là, ouais. En profitant de l'accès au tableau où il y avait juste à interférer deux fils, c'est ça quoi. Voilà, deux fils. Bon, oui. Trois fils. Quatre. Quatre fils. Bon, d'accord. Ok. En tout cas, c'est bien d'avoir fait ça et c'est tout à fait ce que l'on attend. Bon, donc juste vérifier celui-là. Lui, on va aller voir. Vous allez voir là-bas, puis moi je vais faire actionner. On va aller voir, mais il faut y rentrer et j'ai pas le. D'accord. Et pour finir, je vais vous montrer la disjonction. Donc imaginez qu'il y a un blocage parce qu'il y a Il y a un blocage sur une pompe. Alors on imagine qu'il y a un blocage sur une pompe. Donc elle va disjoncter. Elle va disjoncter. Et là normalement vous avez l'autre gyrophare qui... Et le deuxième gyrophare a dû se mettre en marche. Ouais, tout à fait. Et c'est super, et ça marche. Bah tiens, pour une fois, il y a quelque chose qui marche, c'est bien. Bon. Et inversement, je veux dire, ça peut être les deux pompes ou ça peut être une seule pompe. Tout à fait. Et ça peut être la pompe 1 ou pompe 2. Ça, tout à fait, tout à fait. Et ce sera toujours le même gyrophare. Tout à fait. Pour le défaut. C'est clair. C'est clair. Sauf que le trop-plein, c'est l'autre gyrophare. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Bon. Alors, comment fait-on pour aller, aller voir de l'autre côté? Vous avez l'accès? Moi, je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? Bon, non, j'ai non, peut-être. Pas d'accès, non. Bah, vous n'avez pas d'accès. Peut-être que c'est bien si je suis là. Ah ben voilà. Ouais. Vous avez des noms? Oui, j'ai des noms. Oui, oui, j'ai des noms. Bon. Alors, je vais chercher M. Alain Deschamps, s'il peut nous ouvrir le bâtiment A1. Non, nous, on vérifie, mais on essaye surtout de comprendre, si vous voulez. Non, mais parce que c'était quand même assez redoutable. On est bien d'accord que cette installation... a été mal faite dès le départ, hein? Bon, vous n'osez pas le dire, c'est mais en off, vous me l'avez dit, bon, donc je le répète. Bon, si on a un petit blanc, c'est que j'appelle Alain Deschamps pour qu'il nous ouvre en bas, pour qu'on puisse aller écouter l'alarme sonore. Ouais. Alors attends, non, moi je vais faire celui-là. Comme ça, tu tiens ici. Bon, Alain, c'était Claude Black Belair. Alain, c'était Claude Black Belair. Bon, j'essayais de te joindre, on t'a loupé tout à l'heure. J'essayais de te joindre pour que tu puisses nous ouvrir ton bâtiment de façon à aller tester si l'alarme sonore fonctionne en cas de problème sur les pompes. Bon, voilà, si tu me rappelles, ça va. Si tu ne me rappelles pas, on va gérer ça différemment. Bon, je vais pour l'instant suspendre cet entretien et nous allons le reprendre après pour les eaux pluviales. On va voir. Ah, couper, là. Ouais, mais non, après,